السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dans son noble livre, dans sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne l'énorme grâce par laquelle il a comblé les croyants de par l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans la traduction des sens de ce verset, on nous dit: Allah a certes fait une grande grâce aux croyants lorsqu'il envoya parmi eux un messager issu d'entre eux. Il leur récite ces versets et les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu ou a été envoyé à une époque où les gens étaient dans un égarement profond et obscur, dans des ténèbres, les ténèbres du polythéisme, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de l'égarement, de la division, et j'en passe. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah a regardé les gens de la terre, il les a tous détestés. Si ce n'est une minorité parmi eux qui faisait partie des gens du livre, qui adorait encore Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Et lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu illuminer de par sa grâce ce bas monde, il a envoyé le prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des mondes en tant que miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Ce prophète, alayhi salatu wassalam, nous est venu avec une législation complète, parfaite, une législation de miséricorde, de justice, de droiture, qui fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Il nous est venu avec l'islam. Cet islam repose sur 5 piliers. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. L'islam repose sur 5: attester qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Et le jeûne du mois de Ramadan, c'est la période que nous vivons présentement. Ce mois béni, ce mois rempli de bienfaits émanant de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ce mois renferme de nombreuses leçons. Et nous allons étudier en ce jour deux grandes leçons du jeûne du mois de Ramadan. Lorsque tu jeûnes, cher croyant, tu jeûnes dans un temps déterminé. Et tu t'abstiens de choses particulières et énumérées, qu'on appelle les annulatifs du jeûne. Car le jeûne, c'est une adoration que l'on voue à Allah, qui consiste à s'abstenir de manger, de boire et de commettre les annulatifs du jeûne, et ce, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Dans le mois de Ramadan, le serviteur s'éduque à suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans sa manière d'adorer Allah azza wa jal. Car lorsqu'il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah », il a proclamé avec son cœur et avec sa langue que le culte, que l'adoration était exclusivement restreinte à Allah Azza wa Jal, que c'était le droit d'Allah sur ses serviteurs, qu'il allait toute sa vie adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère et qu'il n'allait jamais partager le culte entre son Seigneur et les créatures. Et lorsqu'il a dit « Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, il a proclamé avec son cœur et sa langue que c'était un serviteur qui n'allait pas l'adorer, mais un messager, il allait le suivre et lui obéir. Il allait le suivre et lui obéir. Il allait certifier tous ses dires. Il allait adorer Allah Azza wa Jal que comme il lui avait enseigné et transmis. Et dans le jeûne du mois de Ramadan, lorsque le serviteur prend le sahur, le repas d'avant le fajr, il le fait en suivant le prophète alayhi salat wa salam. Et lorsqu'il mange des dattes pendant ce sahur, il le fait parce que c'est la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Et lorsqu'il va s'abstenir du fajr jusqu'au maghrib de manger, de boire et de tout ce qui annule le jeûne, il le fait en copiant le prophète alayhi salat wa salam. Et lorsqu'il va rompre le jeûne en prenant des dattes fraîches ou sèches ou quelques gorgées d'eau, il va le faire en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il fera dans les nuits de Ramadan comme salat ou taraweeh, dans les journées de Ramadan et les nuits comme ad-du'a et autres adorations, comme sadaqat, comme la générosité et autres, il le fera en prenant exemple sur le prophète alayhi salat wa sallam. Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan nous donne comme leçon, ittiba'u nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'assi bih. Le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le fait de le prendre pour exemple. Et celui qui lit le Coran et lit la sunna verra que beaucoup de textes sont relatifs à ce sujet immense. Qu'est-ce que la sunna du prophète alayhi salat wa salam? La sunna du prophète alayhi salat wa salam, كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. La sunna du prophète alayhi salat wa salam, c'est tout ce qui fait référence et a été annexé au prophète alayhi salat wa salam, comme parole, comme action, comme acquiescement, comme description physique ou comportementale. Dans le Coran, on nous enseigne que la révélation est de deux types. Il y a le Coran et il y a la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Et en suivant ces deux choses-là, il y aura la sincérité et le suivi du prophète alayhi salat wa salam. Et Allah a uni entre la sincérité et le suivi du prophète alayhi salat wa salam dans plusieurs versets du Coran. Comme فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et quiconque espère la rencontre d'avec son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et n'associe personne dans le culte avec son Seigneur. Aussi dans la parole d'Allah, بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant ou en agissant avec excellence. Les savants disent, il y a ici, comme le dit Ibn Kathir, la sincérité du culte pour l'être adoré et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala envoyait son prophète donc également avec la révélation, afin qu'il expose aux gens ce qu'il a voulu d'eux. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et nous avons révélé sur toi le rappel afin que tu exposes aux gens ce qui a été révélé sur eux. Ainsi pourront-ils réfléchir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers avec cette mission, la transmission et l'exposer. Et en suivant le prophète alayhi salatu wassalam, on obtiendra la miséricorde d'Allah. Wa ati'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun. Et obéissez à Allah et aux messagers afin d'obtenir la miséricorde. Et il nous a ordonné tabaraka wa ta'ala de revenir à sa tradition, à sa sunna en cas de divergence. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et si vous divergez dans une chose, faites-la revenir à Allah, c'est-à-dire au Coran, et au messager, c'est-à-dire à sa sunnah après sa mort, et à lui-même de son vivant, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, C'est la seconde révélation après Al-Qur'an. Le suivi du prophète alayhi salatu wa salam est la preuve de la véracité de ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sourate Ali Imran, il nous dit jalla wa ala: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Dit: si vous aimez Allah, suivez-moi alors. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur, très miséricordieux. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit, pour expliquer ce verset: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله. Ce verset vient juger chaque personne qui prétend aimer Allah, sans être pour autant sur la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est menteur dans sa prétention, tant qu'il ne suivra pas la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion prophétique dans toutes ses paroles et dans tous ses états. Jusqu'à ce qu'il nous dise: فَيَحْصُلُ لَكُمْ فَوْقَ مَا طَلَبْتُمْ مِنْ مَحَبَّتِكُمْ إِيَّا وَهُوَ مَحَبَّتُهُ إِيَّاكُمْ. Ainsi, vous obtiendrez au-dessus de ce que vous avez cherché, au-dessus de son amour que vous lui portez. Il s'agit de l'amour d'Allah pour vous-même. Et c'est encore plus grand que la première chose. L'amour d'Allah à votre égard est plus grand que l'amour que vous lui portez. Et certains sages disaient: لَيْسَ شَأْنُ أَن تُحِبْ وَإِنَّمَا شَأْنُ أَن تُحَبْ. Le but n'est pas que toi tu aimes. Tout le monde aime Allah. Le but c'est que lui t'aime. بارك الله فيكم. Le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام est la seconde grande obligation et la condition d'acceptation des actes d'adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on nous montre dans le Coran que c'est l'exemple suprême et c'est l'imam suprême, ce titre qu'on ne peut accorder à nul autre en dehors de lui sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans sourate Al-Ahzab: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah pour celui qui espère Allah et qui espère la rencontre avec Allah, ou celui qui espère en Allah et le jour dernier et mentionne Allah abondamment. Ici, tout comme dans le Coran, on nous enjoint le suivi du prophète alayhi salatu wa salam: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors d'autres alliés. L'imam Ibn Jarir al-Tabari et autres ont dit, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Pareillement, dans la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam, on nous ordonne de nous cramponner à sa Sunna. Il nous dit alayhi salatu wa salam, comme le rapporte Ahli Sunan sauf al-Nasa'i: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-rashidin al-mahdiyin, addu alayha bin nawajiz. Prenez soin de vous cramponner à ma Sunna, ainsi qu'à la Sunna des califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Mordez-y à pleines dents. Le suivi du prophète alayhi salatu wa salam dans le comment de l'adoration d'Allah est une condition pour qu'Allah accepte nos œuvres d'adoration, nos actes d'adoration. En effet, Aïcha radiallahu anha nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Quiconque apporte une nouveauté dans notre ordre alors qu'elle n'en fait pas partie sera rejeté. C'est-à-dire celui qui adore Allah d'une manière qui ne nous a pas été enseignée par le prophète alayhi salatu wa salam, cet acte-là sera rejeté. Allah n'accepte pas l'acte d'adoration tant qu'il n'est pas sincèrement fait pour lui et en conformité avec la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam. Avec l'obéissance à Allah, avec l'obéissance du prophète alayhi salatu wa salam, sache que tu es obéissant envers Allah azza wa jal. Wa man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager aura obéi à Allah. Et celui qui désobéit au messager doit savoir qu'il a désobéi au Seigneur des mondes, Allah tabaraka wa ta'ala. Et les vrais croyants sont ceux qui croient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, croient en ses dires, suivent ses ordres, délaissent ses interdits et adorent Allah azza wa jal que comme il nous l'a enseigné. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les vrais croyants sont ceux qui ont eu, qui croient en Allah et en son messager, puis n'ont aucun doute. Puis n'ont aucun doute. Allah les a qualifiés cela de véridiques dans sourate Al-Hujurat. Donc si tu crois réellement au prophète alayhi salatu wa salam, tu dois croire en tous ses dires. Tu dois obéir en ses ordres, à ses ordres, délaisser ses interdits. Et tu dois adorer Allah Azza wa Jal qu'à la manière dont il nous l'a enseigné. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ Dans Sourate Al-Najm, et il ne parle pas selon les passions, ça n'est qu'une révélation inspirée. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, tu entreras au paradis. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, comme le rapporte l'imam al-Bukhari رحمه الله sur Abu Hurayrah رضي الله عنه, toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui s'y refuse. قيل يا رسول الله ومن يأبى. Il fut dit au messager d'Allah, qui refuserait. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Quiconque m'obéit entrera au paradis. Quiconque me désobéit, voici celui qui s'y refuse. Allah Azza wa Jal nous a interdit dans le Coran de devancer le messager dans une croyance, dans une adoration, que ce soit par la langue, par les membres ou autre. Ya ayyuha alladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih, wattaqullah. Au début de Sourate Al-Hujurat, vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, tu obtiendras la guider. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. الله عز وجل nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah qui vous a été envoyé à l'ensemble. Le messager d'Allah, celui qui possède la royauté des cieux et de la terre. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui, donne la vie et la mort. Ayez donc foi en Allah, en son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, suivez-le donc, ainsi obtiendrez-vous la guidée. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, tu as la guidée. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et son obéissance, tu obtiens l'énorme réussite. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et redoute Allah et le craint, voici ceux qui obtiendront l'énorme réussite. Avec la foi au messager d'Allah Azza wa Jal, tu obtiendras l'énorme succès. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui ont eu foi en lui l'ont secouru, l'ont assisté, l'ont secouru, ont suivi la lumière avec laquelle il la lumière qui lui a été révélée ou qui a été révélé avec lui, voici ceux qui obtiendront l'énorme succès, la grande réussite. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, tu obtiendras le pardon pour les péchés, le salut contre l'enfer. Et rappelle-toi la parole des djinns lorsqu'ils ont entendu la lecture du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont convertis à l'islam. Et ils sont repartis en tant que prédicateurs à leur peuple. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ils dirent, ô notre peuple, nous avons entendu une lecture, un livre qui a été révélé après Moussa, qui certifie ce qu'il y a devant nous, qui guide à la vérité sur le chemin droit. Ô notre peuple, répondez à celui qui appelle à Allah et croyez en lui, il vous pardonnera vos péchés. Il vous pardonnera de vos péchés et vous prémunira contre un châtiment douloureux. Ainsi, en suivant ce messager, en suivant le Coran, on te pardonnera de tes péchés et on te sauvera de l'enfer. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, tu seras préservé de l'égarement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ya ayyuhan nas, inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bih, falan tadillu abada kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les gens, j'ai laissé auprès de vous deux choses. Si vous vous cramponnez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ajoutez à cela que celui qui contredit la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, Allah le menace de le faire tomber, ou Allah le menace de le voir tomber dans un grand trouble et de subir un châtiment douloureux. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contredisent son ordre d'être touchés par un trouble ou d'être touchés par un châtiment douloureux. La personne qui rejette de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ne cessera de polémiquer jusqu'à ce qu'elle tombe dans le shirk wal'iyadu billah. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam nous ont donné les meilleurs exemples de suivi, les meilleurs exemples de soumission et leur biographie, leur histoire est étincelante dans ce sujet. Un jour, Omar ibn Khattab radiallahu anhu faisait le tawaf. Il a embrassé la pierre noire et a dit: A'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa' wa lawla anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Omar ibn Khattab a embrassé la pierre noire et a dit: Je sais pertinemment que tu n'es qu'une pierre. Ni tu n'as le pouvoir de nuire, ni d'être profitable. Et si je n'avais pas vu le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Alors le Khattab radiallahu anhu a voulu montrer que le fait de toucher, d'embrasser la pierre noire, c'est uniquement parce que le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait. Et la bénédiction repose dans cela. Le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et non pas que la pierre noire a le pouvoir de bénir qui que ce soit, d'élever qui que ce soit. Non. Mais à travers le suivi du prophète sallam, on obtient la bénédiction d'Allah azza wa jal. Les compagnons s'accrochaient à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abdullah ibn Abbas raconte qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam a vu un homme avec une bague en or. Alors il l'a pris, il lui a enlevé. Où il lui a dit: Est-ce que l'un d'entre vous ose mettre de la braise à son doigt, à sa main, par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam lui a enlevé la bague et l'a jetée au sol. Les gens lui ont dit: Khudha ta makwanta fi'bi, prends ta bague et tire-en profit. Parce que le prophète ne lui a pas interdit d'en tirer profit, mais de la porter. Parce que l'or est interdit aux hommes de la communauté. Vous savez-vous ce qu'a répondu l'homme? Radiallahu anhu. Il a dit: La wallah, la akhudhuhu abadan, wa qad tarahahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, par Allah. Je ne ramasserai jamais cette bague alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a jetée. Allahu Akbar. Ils arrivaient même à délaisser des choses qui leur étaient licites, tellement ils suivaient le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont compris l'âme du suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et que c'était le chemin de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont compris la parole d'Allah dans sourate Al-Ma'ida. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai accompli sur vous mon bienfait, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, agréé comme religion pour vous l'islam. Imam Malik rahimahullah ta'ala disait, ce qui ne faisait pas partie de la religion hier n'en fera pas partie aujourd'hui. La religion est complète et parfaite. Ainsi, c'est interdit d'ajouter des nouveautés religieuses. Et avec la sunna, tu vas venir pallier également avec la sunna et les adorations que le prophète sallam a fait en plus des obligations. Tu vas venir pallier à tes imperfections le jour de la résurrection. Alourdir ta balance, entrer au paradis, éviter le feu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit par exemple, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salah. La première chose sur laquelle seront jugés les gens en matière d'adoration, en matière d'acte, c'est la prière. Alors Allah dira aux anges, bien qu'il est plus savant, regardez la prière de mon serviteur. Est-ce qu'elle est complète ou incomplète? Si elle est complète, elle sera inscrite complète. Dans le cas contraire, regardez dans les actes de mon serviteur, est-ce qu'il a des actes recommandés? Alors on apportera s'il a des actes recommandés pour venir pallier à ses imperfections. Ici, vous voyez que le suivi du prophète alayhi salatu wassalam dans Nawafil, dans les actes recommandés, sera une cause pour compléter ses actes d'adoration, alourdir sa balance, éviter l'enfer et entrer au paradis. Et une des pires choses, c'est l'innovation. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla à la manière qu'il nous a pas enseigné. C'est un manque de respect envers Allah qui a légiféré. C'est un manque de respect envers le messager qui a transmis. Et il disait très souvent le Jumu'ah, wa iyyakum wa muhdathatil umur fa innaha dalalah. Évitez les nouveautés religieuses, car c'est de l'égarement. C'est de l'égarement. Abdullah ibn Saoud nous disait, iqtisadun fi sunnah ahsanu min ijtihadin fi bid'ah. S'économiser dans la sunnah est meilleur que faire des efforts dans l'innovation. Rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak. Ummu Habiba radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Al-Bukhari nous dit. J'ai entendu le message d'Allah sallallahu, le prophète sallam dire. Men salla thintayn asharata raka'a. Men salla thnatay asharata raka'a. Fi yawmin wa laylah bunya lahu bihinna baytun fil jannah. Quiconque prie 12 unités de prière par jour et nuit, lui sera construit une maison au paradis. Ce sont les prières qu'on appelle sunanur rawatib. Deux unités avant l'obligation du fajr, c'est-à-dire après l'adhan. Quand on parle des rawatib, c'est après l'adhan, avant la prière obligatoire. Donc après l'adhan du fajr, deux unités avant la prière obligatoire. Après l'adhan du dhuhr, avant la prière obligatoire, quatre unités. Après le maghrib, deux unités. Après l'isha, deux unités. Ummu Habib, en ayant entendu ce hadith, a dit, Ma taraktuhunna mundhu sami'tuhun. Je ne les ai jamais délaissés depuis que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam les mentionner. Ibn Ambasa, qui a rapporté le hadith lui de Ummu Habiba radiallahu anha, a dit, Ma taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min Ummi Habiba. Je ne les ai jamais délaissés depuis que je les ai entendus de j'ai entendu ce hadith de Ummu Habiba. Amr ibn Aus a dit, Ma taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min ibn Ambasa. Je ne les ai jamais délaissés depuis que j'ai entendu ce hadith d'Ibn Ambasa. Et Nu'man ibn Salim a dit la même chose pour Amr ibn Aus. C'est-à-dire tous les gens qui ont rapporté le hadith les uns des autres, une fois avoir entendu ce hadith, n'ont plus jamais délaissé Sunanur al-Rawatib. Puisse Allah Azza wa Jal nous faire aimer la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam et l'appliquer. Voici un hadith qu'on vient d'entendre. Appliquons-le. deux avant le fajr, quatre avant le dhuhr, deux après le maghrib, deux après l'isha. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu était avec son épouse Fatima. Le prophète alayhi salatu wa salam est venu les voir. Il leur a dit, ne vais-je pas vous enseigner une chose qui est meilleure que d'avoir un servant? Avant de dormir, dites Subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois. Et Allahu Akbar 34 fois. Ali ibn Abi Talib a dit, Fawallahi ma taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, par Allah, je n'ai jamais délaissé ce dhikr depuis que je l'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le rapporteur du hadith lui a dit, wala yawm as-siffin, même pas le jour de la grande dissension, il a répondu même pas ce jour. C'est-à-dire même un jour où il y a eu une bataille, où il y a eu de grands troubles, je n'ai pas omis de prononcer ce dhikr. Par la grâce d'Allah azzawajal, depuis que j'ai appris ce hadith, na'am, à mon tour, je n'ai jamais délaissé ce dhikr, sauf en m'endormant, yani en étant battu par mon sommeil. Wala hawla wala quwwata illa billah. Fadlan min Allah wa ni'ma. Une grâce d'Allah et un bienfait d'Allah. Omar ibn Khattab radiallahu anhu dans le tawaf, mettant en pratique la sunna de ce qu'on appelle ramal. C'est le fait de marcher vite avec des pas proches. Les compagnons ont fait cela lorsque Kuffar Quraysh ont dit, vous arrivera les compagnons de Mohammed affaiblis par la fièvre de Yathrib. Ils sont faibles et ils sont. Le prophète a dit, découvrez votre épaule et hâtez le pas dans les trois premiers tours. Par la suite, la Mecque est devenue une terre d'islam. Alors certains ont dit, à quoi bon faire cette sunna vu que la situation ne s'y prête plus? Omar ibn Khattab radiallahu anhu a répondu à cela en disant, لَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلْنَاهُ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ. Mais c'est une chose que nous avons faite avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. فَوَاللَّهِ مَا نُحِبُّ أَن نَتُرُكَ شَيْئًا فَعَلْنَاهُ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, mais c'est une chose que nous avons faite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, nous n'aimerions pas délaisser une chose que nous avons faite avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment ils l'ont aimé, comment ils l'ont suivi. Subhanallah radiallahu anhum. Et celui qui s'éloigne de sa tradition, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Quiconque s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie des nôtres. Ils l'ont tellement aimé qu'ils ont aimé ce qu'ils mangeaient. Un jour, un sahabi radiallahu anhu a mangé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Anas ibn Malik, comme le rapporte Imam Bukhari, était assis avec le prophète alayhi salatu wassalam et mangeait. Et il dit, j'ai vu que le prophète sallam suivait, si je ne me trompe pas, Dubba, c'est la courge, ce qui ressemble à la citrouille. Et dans le plat, il suivait la courge et en mangeait. Et vous savez que la sunna, c'est de manger devant soi, sauf que lorsqu'il y a différents quartiers dans le plat, de mets séparés. Ils ne sont pas répandus dans l'assiette comme une salade mélanger, mais plutôt, par exemple, les concombres à tel endroit, les tomates à tel endroit, et ainsi de suite. Là, tu peux suivre, na'am, ce que tu souhaites manger. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, suivait la courge. Écoutez ce que dit Anas ibn Malik. J'ai vu que le prophète, salam, suivait yatatabba'u dubba. Et le mangeait. Et mangeait de ce mets-là. Fawallahi, ma ziltu ba'da uhibbu dubba. بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب. Anas ibn Malik رضي الله عنه nous dit, par Allah, je n'ai cessé après lui d'aimer la courge après que j'ai vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم suivre la courge dans le plat. Et par Allah, c'était un un légume qu'on ne mangeait pas. C'est pas un légume qu'on a l'habitude de manger qui rentre chez nous les Malais. Et depuis que j'ai entendu ce hadith, alhamdulillah, yani j'ai suivi cela et j'ai aimé manger de cela. Comment vous pouvez expliquer que le goût de la personne, alors que c'est une chose très personnelle, puisse changer? C'est l'amour qui fait pencher les cœurs. Ils ont aimé le prophète alayhi salatu wassalam. À un point tel que lorsqu'ils voyaient un de leurs enfants faire une chose que le prophète avait interdite, ils lui disaient ne fais pas ça. Et s'ils le revoyaient faire cette chose-là, alors un état du cœur se soulevait, fût-ce à l'encontre de son propre enfant. Dans le hadith de Abdullah ibn Mughaffal, radiallahu anhu, il est passé près d'un homme qui jouait au, je ne sais pas si on peut appeler ça, le lance-pierre. Il prenait des pierres, il les mettait entre ses doigts, et il jetait cela. Naam. Il jetait cela. Et il lui a dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yanha anil khadf, il interdisait cela. Car ça ne tue pas le gibier et ça peut crever et ça ne nuit pas à l'ennemi, ça ne tue pas le gibier, ça ne nuit pas à l'ennemi et ça peut casser une dent et ça peut crever l'œil. Alors ne le fais pas. C'est-à-dire tu contredirais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son ordre. Un jour, il l'a revu faire cette action-là. Il l'a revu faire cette action-là. Il lui a dit, Subhanallah, uhadithuka an Rasulillah. Je te transmets que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela et tu recommences. Fawallahi la ukallimuka abadan. Je jure par Allah que je ne t'adresserai plus jamais la parole. Fahajarahu, alors il l'a boycotté à tout jamais, parce qu'il a contredit un seul hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Où sommes-nous des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam? Un homme est venu à manger avec sa main gauche. Le prophète alayhi salam lui a dit, mange avec ta main droite. Il lui a dit, je ne peux pas. Il lui a dit, mastata'at, tu ne pourras plus jamais. Sa main s'est figé et il est resté paralysé. Il est resté paralysé. Allahu Akbar. Rien ne l'empêchait d'obéir au prophète sallam si ce n'est l'orgueil. Et tout comme les compagnons ont compris cela, ils ont transmis cet héritage aux pieux prédécesseurs. Abdullah ibn Mas'ud qui nous dit « Tabi'u wa la tabtadi'u qad kufitum » Suivez, n'innovez pas cela. Vous suffira. Et lorsque un homme qui s'appelle Othman, Ibn Hadir, est rentré chez Abdullah ibn Abbas, il lui a dit à Osini, fais-moi des recommandations. Il lui a dit, alayka bi taqwallah wa l'istiqama, wa tabi' wa la tabtadi'a, rawahu d-darimi. Observe la crainte d'Allah et la droiture. Et suis et n'innove pas. Suis et n'innove pas. Et parmi les plus grandes choses qu'on doit suivre, c'est la prière du prophète alayhi salatu wa salam. Et la prière en groupe, et la prière au masjid autant que possible. Abdullah ibn Saoud disait, « Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman, falyuhafidh ala ha'ula'i salawati haythu yunada bihin. Fa inna Allah shara'a li nabiyikum sunan al-huda, wa innahunna min sunan al-huda. Walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif fi baytih, La taraktum sunnata nabiyyikum. Walau taraktum sunnata nabiyyikum, la dhalaltum. Rawahu Muslim. Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu nous dit, celui qui aimerait rencontrer Allah demain en étant musulman, qu'il préserve ses prières où on l'y appelle, c'est-à-dire à la mosquée. Car certes Allah vous a légiféré sur votre prophète les traditions de la bonne voie. Et elles font certes partie de la sunna, de la tradition de la bonne voie. Et si vous priez dans vos maisons, comme le fait celui qui fait défaut à la prière en groupe, alors vous délaisserez la sunna de votre prophète Et si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous vous égarerez. Rapporté par l'imam muslim. Délaisser la sunna, c'est dangereux. Délaisser la sunna, ça peut nous faire tomber dans l'innovation. Et tomber dans l'innovation, c'est un égarement évident. Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Comme a dit Abdullah ibn Omar, toute innovation est égarement, même si les gens la voient comme étant bonne. Rapporté par Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullahu ta'ala fi sunnah. L'imam Malik rahimahullahu ta'ala disait: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة ثم تلا اليوم أكملت لكم دينكم. Quiconque innove dans l'islam puis prétend que c'est une bonne innovation aura prétendu que Mohammed a trahi le message, car Allah nous enseigne qu'il a complété la religion. Donc ce qui ne faisait pas partie de la religion avant n'en fera pas partie aujourd'hui. Rapporté par Al-Shatibi dans l'I'tisam. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جزاء أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى شرع أصول الاعتقاد أهل السنة ندي. الإمام أحمد أدي les fondements de la sunna auprès de nous sont le fait de se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et de les prendre pour exemple et délaisser l'innovation, car toute innovation est égarement. Et l'imam al-Awza'i rahimahullah ta'ala disait à ses compagnons: idha balagaka an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadithun fa iyyaka an taqula bi ghayri. Lorsqu'un hadith te parvient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fais attention à ne pas dire autrement que cela. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ مُبَلِّغًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. Car certes, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم transmettait de la part d'Allah. Qui va oser contredire Allah عز وجل? سوفيان الثوري رحمه الله تعالى disait: إِنَّمَا الْعِلْمُ كُلُّهُ كُلُّ الْعِلْمُ إِنَّمَا الْعِلْمُ كُلُّهُ الْعِلْمُ بِالْآثَارِ. La science dans son entièreté, c'est la connaissance du hadith du prophète alayhi salat wa salam. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala disait: ma minna illa raddun wa mardudun alayhi. L'imam Malik rahimahullah ta'ala disait: nous sommes tous sujets à la réfutation. On peut accepter de nous et être réfuté. Illa sahib hadha al-qabr. Sauf l'homme qui est enterré dans cette tombe. Et il montrait la tombe du prophète sallam, c'est-à-dire, il était à Médine. Pour finir sur cette leçon, Allah azza wa jal nous dit: ya ayyuha alladhina amanu. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Avec le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام, إخوة الإيمان, il y a la vie, la vraie vie. Allah nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset: ô vous qui avez cru, et répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous invite à la vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre la personne et son cœur, et que vers lui se fera votre rassemblement. Et vers lui se fera votre rassemblement. Après avoir vu la première leçon du jeûne, la sincérité, et adorer Allah Azza wa Jalla seul d'un culte sincère, puis la seconde leçon, le suivi du prophète alayhi salat wa salam. On verra demain, incha'Allahu ta'ala. J'avais prévu aujourd'hui, mais le temps est passé et je fus quelque peu long. Donc reportons cela demain, incha'Allahu ta'ala. On verra la troisième leçon qui est Al-Qur'an al-Azim. Le fait d'immensifier le Qur'an, de le lire avec abondance. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Wallahu a'lam. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كلها وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأننا آمنا بك وصدقنا رسولك واتبعنا هديه. اللهم إنا نسألك بهذا الصيام، اللهم إنا نسألك بتلاوتنا للقرآن وبقيامنا في الليل وبصلاة التراويح وبحبك يا ربنا يا رب يا رب أن تشفي مرضانا أرض المسلمين، وأن تصلح أولادنا وزوجاتنا، وأن تغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، وأن تصلح ذرياتنا يا رب العالمين، وأن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.